Je suis moi-même, mon son c'est mon ciment. Élever le fils du vice, pense à nos bâtiments. À l'époque, les poucaves c'était au sous-sol. Aujourd'hui, elles se baladent sans aucun souci. On m'a dit, t'es mon poteau, je demande à mes mandats. Ils me disent trop leur demander. Et je me demande, mais la roue tournera. Souvent déçu, j'ai l'habitude, je viens du terre-terre. Ma solitude, elle parachute, ma tétaille. C'est pour as que les jaloux me connaissent mal. Ils reconnaissent mon flash de sky. Mais j'ai jamais trahi un zinc pour une liasse. Je rappe pour l'oseille, pas pour l'état sans liesse. Laisse de façon, on les voit venir, ces pillages. Elles essayent toujours de se refaire une image généralisée, non, j'ai passé l'âge. Sinon ça voudrait dire qu'elles m'ont eu ces tasses. 2010 en vérité, je ne sais plus quoi penser. Moi je mesure encore un homme au poids de ses pensées. Et je me mets à teaser, défoncer, penser. Finir sous le soleil ou en cellule sous le seum. Pour assommer son sommeil, viser le sommet sous le seuil. En somme, pour une somme qui m'étonne, j'ai le seum d'un insoumis qui vole et déconne. Mais le sacrifice est peu salivant. J'espère jamais revoir leur cellule d'arrivant. On m'a dit arrête un peu, t'as un problème, non mais t'as viré. J'ai répondu si j'en avais qu'un, ça irait. Désolé, mais l'avenir est plutôt glock. C'est l'époque bad boy, il fait pas beau être un homme correct. Les coquines aiment la coque et les sommes coquettes. Moi je reste honnête, mais pas à 100%. Dis-moi qui est honnête avec moi à 100%. Personne n'a pas mon son et mes lyrics. Tu veux du bon son, écoute un peu mes zik. J'suis pas en tunier, juste pas mes zik. Vous pouvez chater, jalouser, allez-y, ouais. Chater, allez-y, ici. C'est la course à l'officialité. Ils ont pris la mentalité de leur aspect. Moi jour et nuit, j'écris ma vérité sur papier. J'ai pas changé, je ressemble à mon quartier. Si, si, c'est la course à l'officialité. Ils ont pris la mentalité de leur aspect. Moi jour et nuit, j'écris ma vérité sur papier. J'ai pas changé, je ressemble à mon quartier.